d'Italie. En français ? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle uscite tanto per fare, contenti di veder de cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura. Felici correvamo in via Chaudet, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal vico ammirate la testa via volare. Bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur 106.3 FM. Envie d'Italie, en partenariat avec le site www.dormirajamais.org, consacre l'émission de ce soir à l'histoire du général fasciste Rodolfo Graziani, un des acteurs les plus sanguinaires de la colonisation italienne en Afrique. Pourtant, le 11 août 2012, un hommage lui a été rendu par l'inauguration d'un monument érigé à sa mémoire à Affile, petit village de la province de Rome. Le monument, payé par les contribuables italiens, n'a pas provoqué de scandale et il est devenu le symbole du manque de mémoire de l'Italie. Ce nouvel épisode confirme la relation difficile de l'Italie avec son passé et apparaît comme un nouveau signe du révisionnisme ambiant. Pour interroger ces deux aspects, nous allons revenir sur l'histoire de cette colonisation et le rôle joué par Graziani. Avec nos invités et une sélection d'archives que nous allons écouter et commenter, Envie d'Italie vous propose de remonter le fil de l'histoire du générale Graziani jusqu'à aujourd'hui. Pour le faire, nous avons avec nous ce soir Olivier Favier, historien de formation et traducteur de l'italien. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Tu écris pour différentes publications, sur papier et en ligne. Tu coordonnes avec Federica Martucci le comité italien de la maison Antonio Vitez, Centre international de la traduction théâtrale. Mais tu animes également le site www.dormirajamais.org depuis 2010. Tu l'as créé d'ailleurs. Tu animes et tu l'as créé. Sur ces sites, donc, il y a une rubrique consacrée à l'histoire contemporaine de l'Italie. Donc l'Italie derrière la mémoire, et un autre au projet à l'ouest d'Aden, donc sous la cornée de l'Afrique. Tu t'intéresses à ces sujets donc depuis un petit moment. Voilà. Mais nous avons aussi avec nous Marianne Matar Bonucci. Donc bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8, mais aussi membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste du fascisme, de l'antisémitisme et de l'histoire des violences politiques et criminelles dans l'Italie contemporaine. Vous avez notamment publié « L'Italie fasciste et la persécution des Juifs ». Ce livre, si je ne me trompe pas, est paru en poche en 2012. Réédité, voilà. Et vous avez aussi co-dirigé « Storia della Shoah in Italia », ainsi que « L'Italie des années de plomb, le terrorisme entre histoire et mémoire » avec Marc Lazare. Voilà, une émission préparée par Veronica Collalti et Lise Gros, avec ce soir à la technique, Stefano Lodirio. Posso anche annunciarvi che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione tra comandi e tra soldati che dovrà essere anche qui la rivendicazione di tutti gli errori, ammettiamo qui, di tutte le diffamazioni, di tutte le calunnie del passato. Dimostreremo che in un solo blocco italiani e tedeschi combattono per un'unica finalità, il trionfo del nazifascismo. La L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Rodolfo Graziani. Nous sommes le 1er octobre 1943, une quinzaine de jours avant la grande rafle des Juifs de Rome qui verra la déportation d'un millier d'entre eux à destination d'Auschwitz. Rodolfo Graziani s'adresse à 4000 officiers, réunis au Teatro Adriano à Rome. Il y expose son programme d'union nationale, autrement dit l'alliance réitérée entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Cette alliance porte un nom qui restera dans l'histoire, le nazifascisme. Il a fallu plusieurs appels pour décider Rodolfo Graziani à rallier de nouveau la cause de Benito Mussolini. Mais revenons en arrière de quelques mois. Début juillet 1943, les Alliés ont débarqué en Sicile. Quelques jours plus tard, Mussolini et Hitler se rencontrent à Feltre. Hitler craint la défection de son allié italien. Il n'a pas vraiment tort. Ce n'est pas que le Duce entende trahir son alliance, mais le vide se fait autour de lui au fur et à mesure que se confirme le désastre militaire dans lequel s'enfonce le régime fasciste. Un vide dont Benito Mussolini va prendre bientôt la mesure. En effet, le Grand Conseil du fascisme le désavoue le 25 juillet 1943. Le roi le fait aussitôt mettre aux arrêts. Commence alors une assez curieuse période sur laquelle on a beaucoup écrit. Officiellement, l'Italie est toujours en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie, mais le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Pietro Badoglio, prépare un armistice qui sera rendu officiel le 8 septembre 1943. Le 12 septembre, Mussolini est libéré de manière spectaculaire par un commando SS. Le 18, il fait son premier discours depuis Munich. Il rentre en Italie le 23 septembre où se réunit quelques jours plus tard son nouveau gouvernement. Désavoué par le roi, Mussolini a reconstitué un État national républicain dont le nom définitif sera République sociale italienne, RSI. On la connaît aussi comme République de Salo, du nom de la petite ville du bord du lac de Garde d'où sont envoyés les communiqués officiels de la radio du régime. Tous les fascistes, loin s'en faut, n'ont pas rallié cet État fantoche, comme on l'a aussitôt qualifié. Nous l'avons déjà dit, c'est même l'un des plus importants dignitaires du régime, Pietro Badoglio, qui est à la tête du gouvernement technico-militaire. Ce gouvernement officiel italien se range aux côtés des Alliés le 13 octobre 1943. Il déclare la guerre à la République sociale italienne. En Italie, le gros de la guerre se livre entre Alliés et nazis. Mais les uns et les autres ont désormais leur soutien. Dans le Nord, la résistance commence à s'organiser et à agir, mais ses rapports avec les Alliés ne sont pas toujours très simples. Le peuple italien, dans son écrasante majorité, se contente d'attendre la fin de la guerre. Durant les années fastes du fascisme, et notamment durant la guerre d'Éthiopie, Rodolfo Graziani et Pietro Badoglio ont été deux grands rivaux. Le rôle de premier ordre qu'a joué Badoglio dans le désaveu du régime pour son Duce n'est sans doute pas pour rien dans la décision de Graziani, en octobre 1943, de choisir le camp adverse et la fidélité aveugle à Benito Mussolini, alors qu'il n'en faut pas beaucoup pour comprendre que la cause est désormais perdue. D'un côté, un ex-fasciste, président du conseil d'un gouvernement provisoire, soutenu par tous les partis antifascistes, Pietro Badoglio. De l'autre, un nazi-fasciste, ministre de la guerre d'une république italienne sous la coupe des Allemands, Rodolfo Graziani. Il se rendra célèbre pour son avis de 1944, appelant à exécuter dans le dos les réfractaires à la conscription. Il y ajoute pour faire bon poids des représailles sur la famille et la confiscation des biens. C'est son action dans cette période trouble qui vaut à Rodolfo Graziani d'être inquiété après la guerre lors de deux procès fleuves entre 1948 et 1950. Mais ses responsabilités, nous allons le voir, ne s'arrêtent pas là. Il est déjà allé beaucoup plus loin dans l'horreur par le passé et de façon beaucoup plus efficace. En attendant, Benito Mussolini, qui n'aime ni Pietro Badoglio ni Rodolfo Graziani, fait cet aveu définitif. Des deux mots militaires qu'il m'a été donné de subir dans toute ma vie, il m'est resté le mineur. Thank you. Rodolfo Graziani naît en 1882 à Filettino, dans la province de Frosinone et dans le Latium, à quelques kilomètres d'affilée. Il obtient en 1902 ce qu'on appelle alors la licenza liceale, l'équivalent, si l'on veut, du baccalauréat. D'une famille relativement modeste, mais il faut rappeler quand même qu'à l'époque, 80% des Italiens sont encore analphabètes, il n'a pas la possibilité de faire de longues études. Il devra se contenter de 2 années. Elles doivent le mener vers un poste de clerc de notaire, autrement dit, vers l'ennui. Le jeune homme, on l'a compris, a d'autres ambitions. Dans un premier temps, parallèlement à ses études, il effectue son service militaire comme élève officier de réserve. Il est nommé sous-lieutenant en mai 1904. Son père meurt le même mois, rendant les conditions de vie de la famille encore plus difficiles. Une initiative inédite du ministère va lui permettre de rebondir. Un concours est lancé pour l'intégration d'officiers de réserve dans l'armée d'active. Il s'y présente, le réussit, et le voici officier de carrière. Rodolfo Graziani ne se satisfait pourtant pas de la vie de caserne. Il faut dire que sa solde d'officier subalterne ne lui permet pas de mener la vie mondaine dont il pourrait rêver à Rome, capitale du royaume d'Italie. Il demande à servir en Érythrée, ce qu'il obtient à la fin 1908. Il y demeure jusqu'en 1913 et il ne prend pas part à la conquête de la Libye en 1911-1912. Il n'en a du reste pas la possibilité puisqu'une piqûre de serpent d'abord, puis une violente attaque de malaria l'amène par 2 fois à l'hôpital et durant plusieurs mois, entre la vie et la mort. Il rentre à Rome, il demande à être envoyé dans la Libye conquise, ce qu'il obtient, en janvier 1914. Il y demeure toute l'année. L'Italie entre en guerre en mai 1915 du côté de la France, la Grande-Bretagne, la Russie, malgré son alliance historique avec les empires centraux qui sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Rodolfo Graziani part avec son régiment de Rome pour la province d'Udine. Il se retrouve très vite en première ligne dans un secteur particulièrement exposé. Après la mort des autres capitaines, tous plus âgés que lui, il prend, après quelques mois de conflit, la tête de son bataillon. En mars 1916, il est promu major. Gazé à la bataille de Gorizia, il est fait lieutenant-colonel en décembre 1917. Un an plus tard, en décembre 1918, il devient le plus jeune colonel de l'armée italienne. Il a alors 36 ans. Ce qui ne l'empêche pas d'en vouloir encore plus et de courir réclamer une récompense pour un fait d'armes qui a eu lieu en décembre 1917. La réponse de la commission, nous allons le voir, est particulièrement assassine. La commission ministérielle. Considérant que d'après ce qu'expose le requérant, il n'apparaît pas d'acte de valeur personnelle propre à justifier la concession d'une récompense, que dans son action de commandement, il n'y a pas eu d'initiative, qu'en tant que telle, son action fut peu coordonnée afin de porter les efforts selon les directives reçues, que les commandants supérieurs étaient tous unanimes dans l'expression d'un avis contraire à l'accueil de la demande, décide que la réclamation n'est pas recevable et signale au ministère que le lieutenant-colonel Graziani a gravement manqué au prestige de son grade, recueillant de ses propres subordonnés déclarations et attestations en sa faveur. À la fin de la guerre, après un court séjour dans les Balkans, Rodolfo Graziani se retrouve à Parme, où les luttes entre fascistes et antifascistes font rage. Sollicité par les premiers, il conserve alors, selon ses dires, une attitude de neutralité absolue. Cela veut dire en d'autres termes qu'il attend de voir de quel côté la balance va pencher avant de choisir son camp. Profitant d'une mise en disponibilité de 2 ans pour restriction d'effectifs, il se livre alors à des activités commerciales en Orient, pour des motivations essentiellement financières. Mais la fortune tarde à venir. Le ministère de la guerre lui propose finalement, en septembre 1921, un poste en Libye. Sa femme le pousse à reprendre du service. En octobre, Rodolfo Graziani est à Tripoli. À ce point de notre récit, il serait peut-être bon de rappeler ce qu'il en est de la colonisation italienne dans l'immédiate après-guerre. L'Italie est en effet une puissance secondaire de ce point de vue. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit être ignorée des récits historiques, comme c'est trop souvent le cas en France, mais aussi, plus curieusement encore, en Italie. Les rêves d'implantation italienne en Afrique ont d'abord été tournés vers la Tunisie, qui devient un protectorat français en 1881, à la suite d'habiles tractations diplomatiques de Paris. S'ensuit une longue période de tension entre les deux pays. Cet épisode n'est pas pour rien dans l'alliance nouée par l'Italie avec les empires centraux, dont nous avons déjà parlé. Vers la fin des années 1880, les Italiens s'implantent dans la Corne de l'Afrique, en Érythrée et en Somalie. En fait, cette incursion fait le jeu des Britanniques et des Allemands, qui pensent ainsi tenir à distance leur rival français de toute implantation en Afrique de l'Est. De fait, il ne reste à la France, dans cette partie du continent, que la côte française des Somalis, l'actuel Djibouti, et à l'écart, mais très importante, la grande île de Madagascar. Les Italiens, eux, rêvent de conquérir l'Éthiopie, mais ils sont fermement arrêtés par les Éthiopiens eux-mêmes à Adoua en 1896. Une cuisante défaite qui met fin à toute velléité d'expansion dans le secteur jusqu'en 1935, quand est lancée la guerre d'Éthiopie, dont nous reparlerons. En Méditerranée, seule la Libye est encore sous contrôle ottoman au début du XXe siècle. C'est un pays alors considéré sans richesse, nous sommes bien avant la découverte de ses importantes réserves pétrolières et du reste, à cette époque, elle n'aurait pas été vue comme une priorité. Un détracteur de l'aventure coloniale en Italie n'hésite d'ailleurs pas à la surnommer « la boîte à sable ». La guerre italo-turque de 1911-1912 marque le déclin de l'Empire ottoman, qui se montre incapable de conserver ses provinces de Cyrénaïque à l'est et de Tripolitaine à l'ouest. La Libye italienne, agrandie du Fezzan en 1934, dessine les frontières de la Libye d'aujourd'hui. La guerre se déroule pour l'essentiel à l'ouest, en Tripolitaine, où se concentrent les troupes ottomanes. À l'est, la confrérie Sanoussia, solidement implantée, rend la conquête toute théorique. Le cheik Idriss, qui sera roi de Libye de 1951 à 1969, année du coup d'état du capitaine Kadhafi, est émir de Cyrénaïque. Il s'exile en Égypte en 1923, d'où il soutient Omar al-Mokhtar, le champion de la rébellion libyenne. Dès cet instant, un terrible duel se joue entre Omar al-Mokhtar et Rodolfo Graziani. Ce dernier met en place des colonnes mobiles sur le modèle du général Gallieni à Madagascar. Il utilise les bombardements au gaz en 1928, une technique éprouvée par les Espagnols et aussi le maréchal français Lyautey, son modèle, lors de la guerre du Rif. Il ouvre 16 camps de concentration en Cyrénaïque à la suite des Britanniques durant la guerre des Boers. Les déportés sont au nombre de 100 000 pour une région qui, au recensement turc de 1911, compte un peu moins du double d'habitants. 40 000 ne reviendront pas. Ce sont les proportions du génocide dans les communautés juives de France ou d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'ensemble de la Libye, le nombre de morts s'élève à 100 000, pour une population de 800 000 habitants. Les exactions italiennes ruinent durablement le pays. Le cheptel ovin passe de 800 000 à 100 000 têtes entre 1926 et 1933, les chameaux de 75 000 à 2600, les chevaux de 14 000 à 1000. L'eau des puits est empoisonnée quand l'accès n'en est pas comblé. Et pour finir, 270 km de barbelés rendent infranchissable la frontière égyptienne. En janvier 1930, le désormais général Rodolfo Graziani devient vice-gouverneur d'une Cyrénaïque martyre. Il deviendra gouverneur de la Libye tout entière entre 1940 et 1941. Franco Battiato s'en souviendra dans sa chanson « Lettera al governatore della Libia »« Lettre au gouverneur de la Libye » écrite en 1980 pour Giuni Russo. Nous l'écoutons dans la version qu'il a interprétée lui-même pour son album « Giubbe Rosse » en 1989. Antica e bella, piena di foto, di regine, di bandiere. aspettavamo il console italiano. La fine dell'estate fu veloce, nuvole nere in cielo e qualche foglia in terra. Carico di lussuria si presentò l'autunno di Bengasi. Lo sai che desiderio della mano, l'impulso di toccarla. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia. D'armi occidentali passano coi ministri a fianco alle frontiere. Andate a far la guerra a Tripoli. Nel cielo vanno i cori dei soldati contro a Muhtar e Lorenz d'Arabia. Canti popolari da osteria. Lo sai che quell'idiota di Graziani farà una brutta fine. Ho scritto già una lettera al governatore della Libia. La chanson que vous venez d'entendre sera sans doute la seule d'après-guerre à citer le nom du général Graziani. J'ai parlé d'Omar al-Mokhtar, surnommé le cheikh des militants, qui avec de faibles moyens est parvenu à infliger plusieurs défaites à l'armée italienne. Un personnage légendaire de la nation libyenne qui finit par être capturé le 12 septembre 1931. C'est un vieil homme, il a 69 ans. Les autorités italiennes le prennent alors en photo plusieurs fois, entouré de dignitaires fascistes, devant les bâtiments officiels du fascisme, à Benghazi. En 2009, lors de la première visite officielle du président libyen à Rome, depuis sa prise de pouvoir en 1969, Muammar Kadhafi arbore l'une de ces images sur son plastron. Ce détail, évidemment, ne manquera pas d'attirer l'attention des journalistes et des photographes. Au point qu'on verra circuler dans la presse des agrandissements des photos de la rencontre accompagnés d'explications sur la figure oubliée d'Omar al-Mokhtar. La chaîne privée Sky prendra même l'initiative de diffuser pour la première fois en Italie le film de Mustapha Akkad, Le Lion du désert, qui date de 1981, avec Anthony Quinn dans le rôle d'Omar al-Mokhtar et Oliver Reed dans celui de Rodolfo Graziani. Trois jours après sa capture, le 15 septembre 1931, Omar al-Mokhtar a droit à un bref échange avec Rodolfo Graziani au Palazzo del Governo de Benghazi, par l'intermédiaire de l'interprète et capitaine Khalifa Khaled. Le document est conservé aux archives d'État, à Leuere, un quartier de Rome construit à l'époque fasciste, et il est repris sans grande modification dans le livre de Rodolfo Graziani lui-même, Cyrenaica Pacificata, Cyrénaïque pacifié, en 1932. Dans ce livre, le prisonnier est décrit comme un vieil homme diminué, modeste, aux pieds déformés par la goutte. Menotté et enchaîné, il tend une main à Rodolfo Graziani, qui la refuse. Son procès s'ouvre le même jour à 17h, dans le salon du Palazzo del Litorio de Benghazi. Un procès farce d'une heure et demie, qui conduit à l'exécution d'Omar al-Mokhtar dès le lendemain, par pendaison, devant une foule de 20 000 Libyens médusés, au milieu du camp de concentration de Solouk. Écoutons ce dialogue, lu par Federica Martucci. Par ta faute, des milliers et des milliers de Libyens sont morts. Cela en valait la peine ? Ils sont morts en servant une bonne cause. Ils sont au paradis. C'est du fanatisme religieux. Non, c'est de la foi. Pourquoi as-tu combattu avec un tel acharnement le gouvernement italien ? Pour ma religion. Tu avais peu d'hommes et très peu de moyens. Tu espérais pouvoir nous chasser de la Cyrénaïque ? Non, cela était impossible. Alors, que te proposais-tu de faire ? Rien. Je combattais, voilà tout. Le reste est entre les mains du destin. Mais le Coran dit qu'il est permis de mener un djihad seulement s'il y a un espoir de victoire. Et cela pour éviter des souffrances inutiles aux populations. C'est ce que dit le Coran, n'est-ce pas ? Oui. Je répète, pourquoi alors as-tu combattu ? Pour ma religion. Non, tu as combattu pour la confrérie Sanoussi, qui est une spéculation louche sur laquelle vous avez tous vécu, d'Idriss jusqu'à toi, aux grandes âmes des gens de la Cyrénaïque dont tu t'es toujours désintéressé. Voilà pourquoi tu as combattu, pas pour ta religion. Pourquoi tu refusais toute négociation de paix ? Pourquoi tu as ordonné l'agression de Garth Beninden ? Parce que depuis un mois, j'attendais en vain une réponse à ma lettre adressée au maréchal Badoglio. C'est faux. Tu as prémédité le refus de la pacification et la preuve en est cette proclamation signée par toi, publiée au Caire. C'est toi qui as ordonné le meurtre des aviateurs Weber et Beatti. Oui. Du reste, le chef assume toutes les fautes, à la guerre comme à la guerre. Quand il s'agit réellement de guerre, et non, comme dans ton cas, d'un assassinat de brigand. C'est une question de perspective. Avec tes crimes, tu as perdu tout droit à la clémence du gouvernement. Mektoub, c'était écrit. Quand j'ai été capturé, j'avais encore 6 cartouches. Je pouvais tuer ou mourir en combattant. Et pourtant, je ne me suis pas défendu. Et pourquoi tu ne t'es pas défendu ? Mektoub, c'était écrit. Écoute, général, je suis vieux. Offre-moi un siège. Assieds-toi et écoute. Tu peux encore peut-être sauver ta vie. Tu es en mesure, avec ton autorité, de faire se soumettre les rebelles du Djebel ? En tant que prisonnier, je ne peux rien. Et du reste, je ne ferai jamais cela. Nous avons juré de tous mourir l'un après l'autre, mais de ne pas nous soumettre. Je ne me serai jamais présenté de mon plein gré, c'est certain. Si nous nous étions connus plus tôt, nous aurions peut-être pu faire quelque chose de bon pour la pacification. Et ce jour-là ne pourrait pas être aujourd'hui ? Trop tard. Tu viens de déclarer qu'en tant que prisonnier, tu ne peux plus rien. Tu reconnais ces lunettes ? Oui, ce sont les miennes. Je les ai perdues dans le combat de Wadi Essania. À compter de ce jour-là, j'ai eu la certitude que tu allais tomber entre mes mains. Mektoub. C'était écrit. Rends-moi mes lunettes, je vois mal. Ou plutôt non. Garde-les. Maintenant, tu nous tiens entre tes mains, elle et moi. Est-il vrai que tu te croyais protégé de Dieu parce que tu te battais pour une juste cause ? Oui. Alors écoute. Devant mes troupes, de Nalout au Djebel de Cyrénaïque, tous les chefs rebelles se sont enfuis ou sont tombés entre mes mains. Mais personne n'est arrivé vivant entre mes mains. Comment diable es-tu ici, toi ? Tu étais l'invincible, l'insaisissable, le protégé de Dieu. Et si c'était moi, le vrai protégé de Dieu ? Dieu est grand et ses desseins sont impénétrables. J'ai raison de croire que ta vie durant, tu as été un homme fort. Je te souhaite de l'être encore face à n'importe quelle éventualité. Inch'Allah. En mai 1934, Rodolfo Graziani est remplacé en Cyrénaïque. Dès décembre, Benito Mussolini se saisit d'un simple incident de frontière pour préparer l'invasion de l'Éthiopie, qui deviendra effective l'année suivante. Le 2 octobre 1934, Benito Mussolini fait son célèbre discours annonçant l'invasion de l'Éthiopie. L'ancien socialiste révolutionnaire s'y révèle un habile corrupteur des concepts marxistes, une mécanique qui fait toujours école. L'Italie, nation prolétaire, en lutte contre les nations bourgeoises, est appelée à reprendre un peu de place au soleil. L'offensive est lancée sur 2 fronts, un front nord depuis l'Érythrée, dirigé par le quadrumvir Emilio De Bono, rapidement remplacé par Pietro Badoglio. Un front sud, depuis la Somalie, mené par Rodolfo Graziani. Cette conquête est brutale et anachronique. Il faut ajouter à cela que l'Éthiopie, du Négus, allié Sélassié, est un État reconnu par la Société des Nations. Cette invasion va faire naître un débat au niveau international. Durant l'hiver 1936, la droite nationaliste et l'Action française manifestent contre le professeur de droit public Gaston Gèze, qui a pris fait et cause pour le Négus. Parmi les manifestants, on trouve le jeune François Mitterrand. La même année 1936, Jacques Prévert écrit « Crosse en l'air », long poème narratif qui sera repris dans son recueil « Paroles » 10 ans plus tard. En voici un extrait, lu par Serge Reggiani. Mais sur l'écran, le pape s'en va en retroussant ses jupons blancs. Le film du Saint-Père est terminé. Voici d'autres actualités. Des militaires italiens bombardent un village abyssin. Le catholique pratiquant sent ses larmes se tarir brusquement, sent son cœur battre amoureusement, sent ses poings qui se serrent convulsivement. Il aime tellement les militaires, les civières, les enterrements, les cimetières, les vieilles pierres, les calvaires, les ossements. À chaque torpille qui tue les nègres, il pousse un petit gloussement blanc. Devant les image de la mort, la joie de vivre le saisit. Il voit là-haut dans le ciel tous les frères en Jésus-Christ, tous ses frères en Mussolini, les archanges des saints abattoirs, les éventreurs, les aviateurs, les mitrailleurs, toute la clique de notre Seigneur. Il est fou de joie, il est content, il grimpe sur son fauteuil à 16 francs, il acclame l'escadrille des catholiques trafiquants, il sent monter en lui l'espoir, un jour aussi peut-être, il versera le sang des pauvres, le sang des noirs, le sang de ceux qui sont vraiment vivants. Mais l'enthousiasme, c'est épuisant, et le pauvre petit malheureux catholique pratiquant, impuissant et trafiquant, le pauvre, pauvre, pauvre petit, petit, petit, tout petit, tout petit, très malheureux, très catholique, très pratiquant, se rassoit sur son fauteuil, à 16 francs. Le spectacle est permanent, il en aura pour son argent. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, et vous écoutez, comme tous les premiers lundis du mois, l'émission On vit d'Italie, qui ce soir est consacrée à l'histoire de la colonisation italienne en Afrique de l'Est. Olivier Favier, animateur du site www.dormirajamais.org, reprend son récit et dialogue avec l'historienne Marianne Matar-Bonucci. Je vous laisse la parole pour la première question, Olivier. Alors Marianne, après avoir consacré un livre à l'Italie fasciste et la persécution des Juifs, sur lequel d'ailleurs on avait fait un entretien avec l'écrivain Aldo Zargani, tu t'es intéressée à la conquête de l'Éthiopie. Tu as consacré à cette conquête 3 passionnants articles. Il y a bien sûr un lien entre les lois raciales de 1938 et la politique brutale menée par les généraux de Benito Mussolini en Éthiopie. Certains ont pu voir même dans la guerre d'Éthiopie une répétition générale de cette Seconde Guerre mondiale qui va venir. Elle est moins connue finalement que la guerre d'Espagne à l'échelle internationale, et on y trouve pourtant de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus claire les marqueurs de la guerre totale. Comment pourrais-tu la caractériser ? Eh bien, c'est une guerre fasciste, c'est une guerre coloniale, et effectivement, elle annonce à bien des égards la Seconde Guerre mondiale, puisque ostensiblement, donc le régime fasciste décide de se, comment dirais-je, d'infliger une forme d'affront à l'ordre international qui avait été mis en place après donc la Première Guerre mondiale. Comme ça a été rappelé dans le texte de présentation, l'Éthiopie était un État qui était membre donc de la Société des Nations et qui était l'un des derniers États d'Afrique à ne pas être colonisé. Et donc l'Italie décide d'agresser un État membre de la Société des Nations, ce qui n'était pas rien. Elle le fait en plus en violant ostensiblement le droit international dans sa pratique même de la guerre, puisque l'Italie avait ratifié un certain nombre de textes donc sur le droit de la guerre, et notamment en utilisant les gaz, alors qu'elle avait effectivement déjà utilisé, comme tu l'as rappelé, pour les opérations de pacification de Libye. Mais dans ce contexte-là, effectivement, cela va focaliser d'une certaine façon l'indignation d'une partie donc, des opposants au fascisme et à cette guerre internationale. En fait, cette violation, je dirais, du droit international fait beaucoup plus sens à ce moment-là parce que le contexte a changé, donc parce qu'on commence à prendre conscience en Europe et en France du danger du fascisme, parce que Hitler est au pouvoir depuis janvier 1933. Et donc, cette guerre apparaît véritablement comme étant la manifestation la plus éclatante de cette agressivité donc, du fascisme. Alors, on peut donc véritablement la qualifier de guerre fasciste, et il faut rappeler que c'est la première guerre véritablement du fascisme et d'un régime qui n'a pas cessé en réalité de faire l'apologie de la guerre, hein, qui s'est bâtie sur la culture de guerre, hein, sur l'héritage de la Première Guerre mondiale. Et donc, pour le fascisme, c'est une fête. Hein, le texte qu'on vient d'entendre de ce point de vue-là est assez parlant. C'est la guerre festive, véritablement. De nombreux, on les invite à le faire, mais de très nombreux hiérarques, quand ils ne sont pas en âge de partir, vont quand même donc, se porter volontaires. Et on a beaucoup de textes de cette époque-là qui montrent que certains fascistes ont l'impression de renouer avec l'esprit du squadrisme. Hein, avec cette violence donc fondatrice véritablement du fascisme italien. Alors cette guerre est intéressante pour ça, elle est intéressante aussi parce que c'est une guerre qui s'inscrit à contre-courant de l'histoire. Il faut bien voir que le fascisme va conquérir un État au moment où les métropoles, les grandes puissances coloniales commençaient, bon, quelquefois avec difficulté, hein, mais à réfléchir à des aménagements, à des concessions qui auraient permis effectivement aux populations dominées, indigènes, de participer à distance et de loin, mais à l'exercice du pouvoir. Or là, les fascistes arrivent en Éthiopie avec l'idée qu'on ne concédera rien. Mussolini a une formule, il dit aucun pouvoir aux races, qui étaient les chefs locaux, et on ne gouverne pas par mezzadria, par métayage, hein, en déléguant en fait le pouvoir à d'éventuelles élites indigènes. Donc il y a cette conception qui est vraiment la moins éclairée de la colonisation et qui d'emblée aussi va de pair avec un racisme qui est terrorisé, hein. Et une fois que le pays sera conquis, eh bien, c'est une forme de politique d'apartheid, ni plus ni moins, donc les fascistes mettront en place. Alors la singularité, bon, cette guerre va être une guerre atroce comme l'ont été la plupart des guerres coloniales, hein, mais peut-être avec cette double spécificité, c'est qu'elle intervient sur un fond de culture politique qui valorise la guerre, qui valorise la violence, hein, ce qui n'est pas forcément le cas pour les démocraties qui iront quand même massacrer aussi des peuples outre-mer. Hein. Et puis, elle intervient d'une certaine façon à rebours aussi de l'histoire. Et je crois que ces deux éléments-là sont très importants. L'autre, quand même, élément qui en fait une guerre fasciste, eh bien, c'est la chaîne de commandement. Hein, c'est-à-dire que c'est Mussolini qui a voulu la guerre, qui va ensuite suivre les opérations militaires en fil direct avec les généraux, et donc avec Graziani en particulier, qui a bien évidemment une part de responsabilité considérable, qui va aggraver les directives qui lui sont données, mais les directives sont là quand même, et c'est Mussolini qui va lui dire « Bon, là, il faut utiliser les gaz, il faut arrêter d'utiliser les gaz, il faut être sans pitié, sans quartier avec la population, y compris les civils. » Et Graziani met en musique, une macabre musique, ce que Mussolini lui dit de faire. Je voudrais maintenant te faire écouter un extrait de l'entretien publié sur le Corriere della Sera en 1947. Donc c'est un entretien qui a lieu entre Pietro Badoglio et le journaliste Indro Montanelli. Alors Pietro Badoglio est le grand rival de Rodolfo Graziani, comme on l'a déjà dit. Et à la différence de Rodolfo Graziani, il n'a jamais été vraiment inquiété après la guerre du fait de son flair tactique de 1943 et aussi parce que ses crimes de guerre ont été pour l'essentiel commis dans un cadre colonial, donc qui n'intéressait pas véritablement les alliés. Indro Montanelli, quant à lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été de l'après-guerre à sa mort en 2001 le journaliste le plus influent d'Italie, un éditorialiste redouté, longtemps indissociable du grand quotidien milanais Le Corriere della Sera. Il a été par la suite le fondateur du Giornale en 1974, quand il a trouvé que Le Corriere della Sera prenait un virage à gauche un peu trop marqué. Donc très clair sympathisant de droite, il ne s'en est pas moins refait une popularité dans les dernières années de sa vie par son opposition marquée à Silvio Berlusconi. Nous reviendrons sur son action pendant la guerre d'Éthiopie, l'action de Indro Montanelli, mais l'entretien que nous allons entendre, lu par Federica Martucci, est repris ensuite dans Panthéon mineur, premier recueil des rencontres d'Indro Montanelli en 1954. Dites-moi, Badoglio, mais ces gaz en Abyssinie, nous les avons vraiment utilisés ? À l'étranger, on est persuadé, on dit que jamais. Enfin, une seule fois, par erreur et sans aucun effet. C'était à la bataille de l'Enderta. Une batterie de sa propre initiative a tiré une bombe à l'hypérite. Mais la bombe était détériorée et n'eut aucune conséquence. Utiliser les gaz en Abyssinie aurait été une stupidité, plus qu'une stupidité, une ruine. Une stupidité, une ruine ? À cause du scandale ? Mais non. À cause de ce que cela aurait coûté. Les guerres aussi sont des questions de chiffres. La guerre en Abyssinie fut belle parce qu'elle n'a coûté que 976 soldats. C'est un prix raisonnable pour un empire. Donc une ruine financière, une ruine humaine qui aurait coûté l'usage de ces gaz. Et c'est finalement donc là cet argument qu'utilise Pietro Badoglio pour repousser l'idée d'un usage même mineur des gaz, puisqu'il dit en quelque sorte, nous sommes en 1947, qu'ils n'ont été utilisés qu'une fois et que le matériel était détérioré, donc c'est comme si ça n'avait pas compté. Alors, cette question des gaz a été réellement contestée dans le débat historiographique en Italie jusqu'à l'apparition en 1996 d'un livre d'Angelo Del Bocca, Les gaz de Mussolini, qui va contraindre d'ailleurs Indro Montanelli à reconnaître ses torts. À l'heure où va paraître en français l'importante histoire de la colonisation italienne de Nicolas Labanca, sur lequel d'ailleurs j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, j'aimerais que tu nous évoques la figure d'Angelo Del Bocca aussi, qui demeure le père des études postcoloniales italiennes, et que tu nous dises aussi quel rôle a joué Rodolfo Graziani dans l'emploi des gaz durant la guerre d'Éthiopie. Alors, pour ce qui est des gaz, donc effectivement, cet entretien est intéressant parce que les autorités italiennes vont longtemps rester dans le déni, et ce n'est qu'en 1996, si je ne me trompe pas, que le ministère de la Défense va effectivement reconnaître que l'Italie a utilisé ces gaz. Or, il faut savoir que les contemporains, là, qui voulaient savoir, pouvaient savoir. Un juriste français, grand juriste spécialiste de droit international, en 1938, Charles Rousseau donc écrit, je le cite, « Il est malheureusement acquis qu'au mépris flagrant de ses engagements internationaux, le gouvernement italien a utilisé l'arme chimique au cours de la campagne d'Éthiopie dans des conditions sans précédent par l'ampleur, l'intensité et l'esprit systématique qui a présidé à son emploi. » Et effectivement, il y avait eu donc une controverse, des enquêtes de la Croix-Rouge, d'autres organisations internationales. Donc dès cette époque-là, elle ne fait aucun doute. Les archives, évidemment, ont confirmé cela. Del Bocca a joué un rôle très important dans l'histoire. Hein, c'est une figure majeure donc, de l'histoire du colonialisme italien. Il faut bien voir qu'il est resté isolé pendant très longtemps. Et l'un des livres importants qu'il avait publié faisait la lumière donc, de manière éclatante donc, sur l'emploi des gaz. Et on trouve dans les archives certains documents, j'en ai cité, mais ils étaient déjà très connus dans le texte que tu évoquais, où il est dit explicitement employer les gaz, arrêter d'employer les gaz. Alors, suivant que la polémique internationale faisait plus ou moins rage, on mettait un peu en sourdine, si je puis dire, l'emploi des gaz. Mais donc, tout cela est attesté et ne fait aucun doute. Mais Je dirais cette question des gaz, alors elle a beaucoup impressionné les contemporains parce que justement, le droit international, comme les gaz avaient été employés de manière atroce dans les tranchées pendant la Grande Guerre, l'interdiction des gaz apparaissait comme une priorité pour humaniser la guerre. Mais il faut bien voir que les gaz, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt puisque les atrocités italiennes ne se sont pas limitées à l'emploi des gaz. Et ça a été, je veux dire, ça a atteint véritablement donc des sommets. Graziani et d'autres ont fait la guerre en s'en prenant, en liquidant systématiquement les prisonniers de guerre, en voulant éliminer la résistance. Parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que lorsque l'Empire est proclamé en mai 1936, en fait, les Italiens sont loin de contrôler l'ensemble du territoire. Ils ne contrôlent peut-être qu'un tiers donc du territoire éthiopien. Ni le roi, ni Mussolini n'iront, ne se rendront en Éthiopie, alors que ça aurait été évidemment, d'un point de vue propagandiste, quelque chose d'absolument formidable. Seul s'y aventure le ministre des colonies qui va se déplacer dans le pays en train blindé, protégé par l'aviation. Donc c'est dire à quel point l'ordre public n'est pas assuré donc en Éthiopie. Et du coup, le régime, comme il avait dû le faire en Libye, doit affronter une résistance très importante et il va le faire véritablement par tous les moyens. Alors, en luttant contre les civils, en bombardant des villes, des hôpitaux, y compris d'ailleurs des hôpitaux de la Croix-Rouge pendant la guerre, et aussi en s'en prenant systématiquement aux élites du pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'il faut supprimer toute cette classe moyenne, ou plutôt ces élites, parce que c'est plus que des classes moyennes, qui seraient susceptibles de revendiquer une forme de pouvoir, et en particulier l'ethnie qui était l'ethnie dominante, celle des Amaras, donc. Et pour s'en prendre à ces élites, eh bien, on s'en prend en particulier à l'Église copte, donc, et ce pouvoir qui, par ailleurs, gouverne avec l'Église en Italie même, qui a signé les accords du Latran, eh bien, va ordonner, en 1929, va ordonner la destruction d'une partie du clergé copte et notamment d'un couvent, parce qu'on soupçonnait ce couvent d'apporter des soutiens à la résistance éthiopienne, un couvent qui est le couvent de Debra Libanos, qui jouait un rôle très important dans l'histoire donc, de ce christianisme copte donc, en Éthiopie. Et plusieurs centaines de moines seront passés par les armes, ni plus ni moins. Et alors, ce qui est assez intéressant dans le registre de l'atrocité, eh bien, c'est ce qu'en dit Graziani, qui, à la fin de toutes ces opérations, va revenir donc, sur ce massacre des moines des Bras Libanos, donc, en disant « ce n'est pas forfanterie que de revendiquer la responsabilité complète de la terrible leçon donnée au clergé de l'Éthiopie avec la fermeture du couvent de Debra Libanos, qui était considéré par tous comme invulnérable, etc. » C'est pour moi un motif d'orgueil que d'avoir eu la force d'âme d'appliquer une mesure qui fit trembler tout le clergé, jusqu'au plus de l'abouna jusqu'au plus petit prêtre ou moine, etc. etc. Donc, non seulement Graziani ne fait état d'aucune culpabilité, mais il s'en vante, et en s'en vantant, eh bien, il assume cette posture du soldat fasciste qui doit être un soldat dépourvu d'humanité, un nouveau soldat, hein, cet homme nouveau, ni plus ni moins, que le régime fasciste voulait inventer. Donc ça, c'est un exemple, mais on pourrait en donner quantité d'autres, de toutes ces atrocités donc, qui ont jalonné cette guerre, puis la politique, ce qu'on appelait les opérations de grande police, hein, après la conquête donc en Éthiopie. Par exemple, on a aussi, le régime a aussi décidé d'éliminer systématiquement tous les sorciers et les devins, les conteurs, parce qu'ils étaient susceptibles de diffuser de mauvaises nouvelles. Hein, donc ils ont été aussi passés par les armes, éliminés. Bon, autre exemple bien connu, en février 1937, Graziani en personne est victime d'un attentat, hein, qui d'ailleurs a failli effectivement l'emporter. Il va être blessé et à la suite de cet attentat, eh bien, Addis Abeba est véritablement à feu et à sang. Et là, ce sont les membres du parti fasciste, de la milice, hein, qui vont mener ces expéditions punitives, il n'y a pas d'autres mots, qui s'appliquent à la population civile et qui feront quand même plusieurs milliers de morts. Hein. Donc voilà quel est le visage de cette politique coloniale en Éthiopie. Alors juste pour terminer sur Delboka a joué un rôle très important parce que ça a été l'un des premiers par cette œuvre considérable, très documentée, à défaire le mythe du Bravo Italiano et le mythe de cette colonisation qui aurait été une colonisation bon enfant. Hein, voilà, et depuis, heureusement, d'autres historiens ont pris la relève. Pas tant que ça. Nicolas Labanca, qui est l'un des principaux historiens du colonialisme à l'heure actuelle, se plaint de ce qu'il n'y ait pas assez d'études donc, sur l'histoire de la colonisation. Et c'est pour cela que nous avons décidé donc, de traduire son livre. Qui est le premier livre, en fait, en français. Alors, il y a une historienne française qui a travaillé sur ces questions, qui est Fabienne Loéreau, qui avait notamment fait sa thèse sur ce sujet et qui a publié en particulier sur les ensablés. Mais je crois que ce sera le premier livre d'un auteur italien publié en français sur le sujet. Et c'est une somme. Qui couvre l'ensemble de l'histoire coloniale italienne. Couvre l'ensemble de l'histoire de la colonisation italienne jusqu'à la décolonisation. Et donc cela paraîtra, j'en profite pour l'annoncer, dans une nouvelle collection que les Élugues, qui sont non pas les presses universitaires de Grenoble, mais les presses universitaires de Grenoble 3 de l'université Stendhal, qui comporte les littéraires et les italianistes. Et donc, nous lançons cette nouvelle collection qui s'appellera Italie plurielle et qui sera consacrée spécifiquement soit à l'histoire, soit à la littérature italienne. D'accord. Super, très bonne nouvelle. Alors, nous allons écouter maintenant une chanson de 1935, sans doute le plus célèbre des hymnes de propagande liés à la colonisation fasciste. Il s'agit bien sûr de Facetta Nera, qu'on pourrait traduire par Frimousse Noire. Alors, cette chanson, tout en exaltant la conquête de l'Abyssinie, joue sur l'argument classique du colonisateur abolissant l'esclavage, mais va bien plus loin dans ce sens que ne le souhaiterait le régime. Je dis argument classique car il a été utilisé par exemple avec une hypocrisie assez semblable, si l'on en croit certaines déclarations du général Gallieni, lors de la conquête de Madagascar par les Français 40 ans plus tôt. Le texte de cette chanson, Facetta Nera, est légèrement modifié par le ministère de la culture populaire, le mini-cool-pop comme on l'appelait à l'abord, mais n'en connaît pas moins un succès prodigieux qui inquiète les spécialistes de la propagande. Le chansonnier y appelle en effet aux unions mixtes entre le conquérant italien et les jeunes Abyssines libérées. Si la chanson véhicule évidemment des valeurs colonisatrices et sexistes, l'appel au métissage ne fait pas du tout écho à la volonté du régime. Nous l'écoutons. Il mare, morente che si schiava con gli Je précise évidemment que cette chanson n'est là qu'à titre de document, puisqu'il s'agit évidemment d'une chanson coloniale et fasciste, et évidemment nous ne partageons pas les présupposés qui sont largement développés. Alors ça me permet en tout cas d'introduire une troisième question à Marianne Matar-Bonucci. Marianne, tu as consacré un article original et passionnant à cette question sexuelle dans la conquête de l'Éthiopie, qui m'a toujours semblé être particulièrement visible, peut-être plus que dans d'autres guerres de conquête. Je pourrais évoquer par exemple cette photo très surprenante d'une jeune Abyssine nue chevauchant la moto d'un militaire fasciste, une image appelée à devenir une publicité pour les motos Guzzi. Hors contexte, on pourrait presque croire à une photographie hippie des années 70. Et ce n'est pas ça, c'est une photo qui rentre bien dans son contexte d'histoire coloniale. En réalité, cette fête sexuelle, si l'on peut dire, du soldat italien n'est pas seulement sordide, elle est aussi profondément encadrée, à tel point que deux jours après la proclamation de l'Empire, Mussolini ordonne à Pietro Badoglio et à Rodolfo Graziani de n'autoriser aucun Italien civil ou militaire à rester plus de 6 mois sans femme en Éthiopie pour prévenir, je cite, « les terribles et prévisibles effets du métissage ». Je voudrais savoir comment cette politique de contrôle sexuel rejoint en fin de compte la politique des lois raciales édictée à l'automne 1938. Rappelons au passage que Rodolfo Graziani et Pietro Badoglio sont parmi les 330 signataires du manifeste de la race. Alors, c'est une question compliquée. Ce qui est sûr, c'est que l'Éthiopie joue un rôle de laboratoire donc de ce racisme italien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et on voit bien comment fonctionne un régime totalitaire, dans un premier temps, la propagande encourageait presque cette vision très érotisée des femmes éthiopiennes, justement, parce que en amont de la conquête, ça pouvait contribuer à rendre ce pays plus désirable, hein, surtout dans un pays qui était dominé par l'Église catholique, d'où la chanson Faccetta Nera et son succès. Et puis on assiste à un revirement, parce que Mussolini a effectivement une espèce de peur panique du métissage et des conséquences du métissage, et parce qu'il apparaît que en Éthiopie, comme dans les colonies de manière générale, les Italiens, qui sont racistes par ailleurs, n'hésitent pas non plus à se mettre en ménage avec, en l'occurrence, des Éthiopiennes, hein, parce que la culture éthiopienne rendait la chose possible. C'était beaucoup plus compliqué en Libye, mais en revanche, la pratique du concubinage n'était pas réprouvée par les traditions donc culturelles éthiopiennes. Il existait même ce qu'on appelait le mariage d'Amos, qui permettait donc aux femmes d'être mariées de manière temporaire, d'une certaine façon, et puis ensuite de construire une nouvelle vie. Et donc, évidemment, c'est une solution qui convenait très bien à des hommes qui partaient sans femme en général et qui avaient à la fois une femme qui s'occupait de leur foyer et puis une maîtresse donc à demeure. Or, cela apparaît comme étant intolérable à Mussolini, donc qui a en effet cette crainte donc du métissage, et qui va décider en avril 1937 d'interdire donc non pas les mariages, parce qu'effectivement il n'y avait pas véritablement de mariage, mais d'interdire le concubinage, d'interdire ces unions, hein, entre les Italiens et les femmes éthiopiennes. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une espèce de morale hypocrite qui se met en place à ce moment-là, enfin de normes qu'on tente d'imposer, c'est-à-dire qu'on explique aux Italiens, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles avec ces femmes, mais vous n'avez pas le droit de les considérer comme des épouses et de vivre avec elles, parce qu'il y a à ce moment-là atteinte à la dignité de la race. Et donc ces mesures vont effectivement être mises en œuvre. Une police du madamisme sera créée pour aller voir si, oui ou non, les Italiens sont en ménage avec les Éthiopiennes. Et on a trace d'un certain nombre de procès qui ont été attentés contre des Italiens, dans lesquels, eh bien, ils doivent se justifier en expliquant « oui, il y a un grand lit, mais oui, j'ai fait un cadeau à cette femme, mais ce n'est pas parce que je l'aimais ». Hein, parce que surtout... C'est les... le sentiment qui est prohibé, en fait. Voilà, les sentiments, l'affection étaient évidemment prohibés. Donc on arrive à une forme d'inversion des valeurs qui étaient effectivement en usage dans la péninsule, parce que là, précisément, on est donc dans le monde colonial. Alors, par ailleurs, la question de la continuité avec l'antisémitisme, lorsque le fascisme adopte donc les lois raciales à partir de septembre 1938, eh bien, ils vont mettre l'accent sur le lien qui existerait entre cette politique donc, contre le métissage et l'adoption des lois, et en particulier parce que ces lois interdisent désormais les mariages mixtes. Moi, j'ai tendance à penser que c'est un argument un peu de deuxième génération, parce que quand cette politique est mise en place dans l'Empire, elle vise essentiellement les populations coloniales, et en avril 1937, on ne considère pas encore les Juifs, comment dirais-je, au même niveau que ces populations coloniales. Il y a une politique raciste, cela ne fait aucun doute, mais ensuite le régime essaiera de lier ce racisme colonial avec cet antisémitisme qui a sa propre genèse et qui est différente. Alors, ce n'est pas le lieu pour en parler, mais les lois raciales anti-juives répondent à une nécessité qui est une nécessité essentiellement de politique intérieure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le régime veut relancer le totalitarisme, et il s'accroche à une tradition culturelle, cette fois, qui est celle effectivement de l'antisémitisme, qui a de plus en plus cours en Europe depuis que l'Allemagne est arrivée au pouvoir. Donc il y a une forme de conformisme par rapport à la politique qu'ont adoptée ces dictatures et régimes autoritaires en Europe orientale et centrale. Et il y a surtout l'idée qu'il faut trouver un ennemi intérieur en Italie, un nouvel ennemi intérieur, comme désormais les ennemis réels sont soit en prison, soit en exil. Et cet ennemi, eh bien, ce sont les Juifs. Mais donc, le lien avec le colonialisme, il est, de mon point de vue, en tout cas d'un point de vue idéologique, ça procède quand même de l'argument de deuxième génération. Hein, la législation raciale en Éthiopie n'est pas, au moment où elle est conçue et pensée, les lois anti-juives ne sont pas encore en chantier. Alors en revanche, après, effectivement, certains juristes et certains idéologues tenteront de faire le lien. Sur la couverture du premier numéro de la Défense de la Race. Et en particulier, la Difesa della Razza, d'un point de vue propagandiste, va fabriquer ce lien. Hein. Mais ce sont quand même, je crois, deux moments différents. Deux moments différents. Et on va écouter un petit morceau de musique pour faire une petite pause. Et donc, on écoute Ethanopium de Mulatu Astat, qui est considéré comme le père de l'ethio jazz. Sa popularité s'est encore élargie après le film de Jim Jarmusch, Broken Flower, en 2005. êtes toujours à l'écoute d'Envie d'Italie sur FPP, 106.3 FM. Si vous rejoignez maintenant, sachez que vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes sur notre site internet. Alors, avant de continuer la deuxième partie de notre émission, je voulais remercier et lui souhaiter aussi un bon retour à donc, Marianne Matarbonucci, l'historienne qui a participé à cette émission. Merci beaucoup donc, merci d'avoir à vous. Participé. Merci. Et peut-être à bientôt alors. Bientôt. Merci. À bientôt. Et je laisse à nouveau la parole à Olivier pour la suite de notre histoire. Donc, nous restons encore un petit peu avec l'histoire de la guerre d'Éthiopie. Nous sommes en avril 1936. La guerre est longue, compte tenu de l'écrasante supériorité matérielle de l'armée italienne. Rodolfo Graziani vient seulement de conquérir Harar. Ayant eu vent, Calier Sélassié veut s'enfuir d'Addis par le train qui mène à Djibouti. Il demande plusieurs fois l'autorisation au Duce de bombarder les rails afin de bloquer toute fuite au Négus. Cette autorisation lui est refusée par Mussolini lui-même, conscient sans doute qu'il ne peut pas aller si loin dans ses provocations à l'encontre de la communauté internationale. Suite à l'occupation d'Harar, Rodolfo Graziani devient maréchal d'Italie et marquis de Negelli. Le 2 mai, Allier Sélassié quitte Addis avec la trésor de la couronne qui lui permettra, entre autres choses, de financer la résistance à l'occupant italien jusqu'en 1941. Le 5 mai, les troupes de Pietro Badoglio pénètrent dans Addis. Ce dernier communique aussitôt la victoire au Duce. Le 9 mai 1936, le Duce annonce que l'Italie a enfin son empire. Ces journées sont considérées par les historiens comme le sommet du consensus du peuple italien autour du fascisme. Le même jour, le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, devient empereur d'Éthiopie. Pietro Badoglio en devient le vice-roi. Le 12 mai, Haïlé Sélassié prononce un discours en amharique, alors qu'il parle très bien français, à la Société des Nations, où il dénonce l'usage des armes chimiques. La délégation italienne a boycotté l'Assemblée. Dans son livre, intitulé « Fronte Sud »,« Front Sud », Graziani lui-même reconnaît l'usage de ces gaz à des fins de représailles, explique-t-il. En juin, Pietro Badoglio, qui a des ambitions en métropole, abandonne sa charge de vice-roi d'Éthiopie, qui échoue aussitôt à Rodolfo Graziani. Ce dernier reprend la politique menée en Libye, camps de concentration, exécutions sommaires, pendaisons publiques. De nombreuses images de l'époque nous montrent des militaires italiens posant à côté de cadavres africains, présentés comme des trophées. Le 19 février 1937, deux jeunes résistants érythréens tentent d'abattre Rodolfo Graziani lors d'une célébration au palais d'Addis Abeba qui sert aujourd'hui de siège à l'université. Ils le visent à l'aide de grenades à main. Rodolfo Graziani est grièvement blessé et en demeure ébranlé psychiquement pour le reste de ses jours. Les représailles sont sanglantes. Guido Cortese, le secrétaire fédéral du parti fasciste, dirige les représailles particulièrement meurtrières dans la capitale et les environs. Les chemises noires tuent, selon les estimations d'Angelo Del Bocca, quelques 6000 personnes. Parmi les victimes figurent des gens qui ont fait leurs études en Europe et les massacres ont lieu sous les yeux de nombreux Européens. Je ne vais citer que deux témoignages, celui d'un médecin, hongrois, Ladislav Sava. Guido Cortese convoqua les chemises noires au siège du fascio. Très vite, ils sortaient armés en se précipitant dans toutes les directions. N'importe qui dans les villes était une cible. Mais ce qui s'est vraiment passé alors était pire que tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Il faut que je dise, et cela est vrai, que le sang coulait véritablement dans les rues. Des corps d'hommes, de femmes, d'enfants, au-dessus desquels tournaient des vautours, gisaient absolument partout. Des flammes gigantesques de leurs maisons brûlées illuminaient la nuit africaine. Le plus important des massacres eut lieu après 6 heures le soir. Lors de cette nuit affreuse, on entassait des Éthiopiens dans des camions, étroitement gardés par des chemises noires armées. Des revolvers, des matraques, des fusils et des poignards étaient utilisés pour massacrer des Noirs désarmés de tous les sexes et de tous les âges. Tout Noir vu était arrêté, embarqué dans un camion et tué, soit dans le camion, soit près du palais, soit dès qu'il croisait une chemise noire. On fouillait les maisons ou les huttes des Éthiopiens. puis elles étaient brûlées avec leurs occupants. Pour accélérer l'incendie, de l'essence et du pétrole étaient utilisés en grande quantité. Les coups de feu n'ont pas cessé de toute la nuit. Mais la plupart des massacres ont été commis à l'arme blanche et en assommant les victimes à la matraque. Des rues entières furent incendiées. Si des occupants des maisons en flammes sortaient dans la rue, ils étaient mitraillés ou poignardés aux cris de « Duce, Duce, Duce ». Je n'oublierai jamais que j'ai vu cette même nuit des officiers italiens passant dans leurs voitures luxueuses à travers des rues remplies de sang, s'arrêtant aux endroits d'où ils auraient une meilleure vue des massacres et des incendies, accompagnés de leurs épouses, que je me refuse à appeler des femmes. Le témoignage de l'ambassadeur éthiopien de Londres est très voisin du premier. Les rues étaient recouvertes de cadavres, personne n'osait s'y aventurer. À partir de ce jour, se mit en place une méthode qui continuera sans interruption pendant 3 jours. La méthode consistait à incendier les habitations, attendre que ses occupants soient forcés de sortir et à les massacrer sans distinction, au poignard, à la baïonnette, à la grenade à main, au gourdin ou avec des pierres et parfois seulement avec des armes à feu. Ces massacres sont connus en Éthiopie sous le nom de massacre de Gratiani ou de Yekatit 12, qui correspond à la date du 19 février dans le calendrier éthiopien. Un monument commémore cette tragédie au cœur d'Addis Abeba. On imagine sans peine la réaction des Éthiopiens d'aujourd'hui à l'annonce de l'érection d'un mausolée au maréchal Gratiani en août 2012. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait inédit en français du très beau roman de l'auteur italo-éthiopienne Gabriela Garmendi, Regine di fiori e di perle, reine de fleurs et de perles, paru en Italie en 2007. La traduction et la lecture sont de Federica Martucci. Nous nous trouvions là depuis un mois et demi, lorsqu'un matin, des askari se mirent à faire le tour de la ville pour diffuser l'annonce suivante. « Attention ! Attention ! » hurlait-il. « Aux travailleurs et au peuple, afin que vous puissiez dire que vous avez un gouvernement généreux, afin que vous puissiez dire que le nouveau gouvernement a de meilleures coutumes que le précédent, l'héritier du négus italien est né. Pour fêter cet événement, le vice-roi d'Italie en Éthiopie, le maréchal Gratiani, distribuera le 12 du mois de Yekakit, devant le petit Chebi, de l'argent aux pauvres. » Immédiatement, la rumeur courut que cette célébration résultait d'un conseil donné par Ras Aïlou à Gratiani pour répondre à la coutume de l'empereur Haïlé Sélassié qui distribuait de l'argent aux mendiants durant la fête de la Saint-Michel. Lorsque nous arrivâmes au marché pour faire nos courses du jour, la nouvelle s'était déjà propagée, donnant lieu aux commentaires les plus perfides et malicieux. Celui qui me frappa le plus sortit de la bouche de Hetty et Elisa. Tandis qu'elle me tendait une botte de ses carottes, elle leva les yeux un instant et dit en me regardant « Ils croient pouvoir remplacer la fête d'un archange par celle de la naissance du fils de leur négus ?» Homme sans religion. Eh oui, fis-je, sans trouver rien à rajouter. En peu de mots, elle avait dit l'essentiel. Le 12 du mois de Yekatit arriva. Le matin, le major sortit revêtu de ses habits de fête avec un uniforme flambant neuf. Dans la cour, une voiture de l'armée avec chauffeur l'attendait depuis plus d'une demi-heure. « Vous ne venez pas ?» demanda-t-il en nous lançant un regard alors qu'il avait déjà ouvert la portière. « Non, monsieur le major, » répondit Saba. « Nous préférons rester à la maison. Il va y avoir trop de monde. Nous n'avons pas l'habitude. »« D'accord. À plus tard, alors, » dit-il. Et il s'en alla en laissant la porte ouverte. Nous entendîmes la portière de la voiture se refermer et le bruit du moteur s'éloigner dans la petite allée de gravier. Le mur d'enceinte de la caserne était distant une dizaine de mètres d'où nous logions. Depuis la porte laissée ouverte, nous parvenait le brouhaha des gens qui marchaient de l'autre côté du mur, en direction du petit Djebi. « Tu entends tout ce monde ?» commenta Saba. « Ils y vont pour les sous. Il ne faudrait pas y aller, même s'ils distribuent de l'argent. Cela ne me plaît pas que les gens acceptent avec autant de plaisir leur argent. » Une partie de la matinée s'écoula. Le brouhaha cessa de l'autre côté du mur. Nous avions presque oublié la célébration lorsque des explosions, comme des coups de tonnerre assourdissants, nous firent sursauter. Saba sortit de la maison pour demander ce qu'il se passait. Nous ne savons pas, répondit un des askaris de garde dans la cour. Une demi-heure après ces explosions, nous commençâmes à entendre des personnes s'enfuir en criant. À partir de là, ce fut la fin du monde. 2 heures plus tard, le major se présenta à la caserne tout haletant. Il était rentré à pied. À peine fut-il rentré que la nouvelle de ce qui s'était passé se propagea dans toute la caserne. 2 jeunes gens avaient lancé des bombes pour tuer le maréchal Graziani. Aidé de 2 capitaines, le major rassembla une grande partie des soldats et ils sortirent tous ensemble. Avant de quitter la caserne, il nous donna l'ordre suivant. « Ne sortez pas, pour aucun motif, jusqu'à ce que je ne sois rentré. » Durant les 3 jours qui suivirent, Addis Abeba connut un enfer. Il n'y eut pas un moment de silence, aucune trêve, ni de jour, ni de nuit. À chaque instant, des coups de feu, des rafales de mitraillettes, des bombes. Le tout accompagné par les cris déchirants de femmes, d'hommes, d'enfants. Des cris de bêtes menées à l'abattoir. Un épais nuage de fumée enveloppait toute la ville. Partout, on voyait des langues de feu et des spirales de fumée noire se soulever, se mélanger à celles qui flottaient déjà dans les airs. Il régnait une tension de battue de chasse. Après ces 3 jours, le major revint à la caserne accompagné des 2 capitaines et des soldats italiens. Au 5e jour, il nous donna l'autorisation de sortir. Nous franchîmes le portail, convaincus de savoir déjà ce que nous allions trouver dehors. 2 jours après le début de l'enfer, étaient apparus dans le ciel des charognards et des vautours s'étaient multipliés. Durant la nuit, les rixes spectrales des hyènes se mêlaient au grognement des chiens errants qui se disputaient des lambeaux de cadavres. Comme si ces signes ne suffisaient pas, la puanteur des corps en décomposition était portée par le souffle implacable d'esprits inquiets en attente de sépulture pour leur corps. Laisser les cadavres pourrir dans les rues avait été une décision bien mûrie. Cela servira de leçon à ce qui reste du chahut négusien, disaient les gradés italiens. Toutefois, même si notre esprit s'y était préparé, ce qu'il y avait au dehors de la caserne, dans la rue, était si horrible que j'en ai fait des cauchemars la nuit durant des années. Ce ne sont pas les cadavres des hommes, des femmes, des enfants ou des personnes âgées qui m'ont le plus impressionné, ni même les mutilations génitales et les organes épars au sol. Ce qui me transperça l'âme de part en part, ce fut de voir des femmes enceintes avec le ventre dépecé et le fœtus en exposition. Quelque chose d'indescriptible, dont le souvenir encore aujourd'hui m'est insupportable. Ce jour-là, Saba et moi fîmes seulement quelques mètres au-delà des murs de la caserne, puis notre estomac se révolta. Nous fûmes prises de haut le cœur. Nous fîmes demi-tour. Les jours suivants, nous ne sortîmes pas jusqu'à ce que la ville soit de nouveau rendue propre par les hommes et par le vent généreux qui venait du nord. Et le souffle spectral cessa de porter la puanteur de par la ville. Et lorsque nous franchîmes de nouveau le portail, Saba et moi avions clairement une seule chose en tête. Nous enfuir, rejoindre la résistance, rejoindre Kebedesh Seyoum. Après cet épisode des 19 au 21 février 1937, vous l'aurez compris en écoutant ce texte, la résistance n'a fait que s'accroître, d'autres massacres suivent, conduit une nouvelle fois par l'armée contre les coupables supposés et leurs complices. Un autre épisode marquant a lieu dans le couvent de Debra Libanos dont nous avons parlé, le 21 mai 1937. Le bilan est lourd, 297 moines, 129 diacres du couvent de Debra Libanos et 23 suspects sont exécutés. Cet épisode trouve un large écho en Europe. Malgré tout, c'est de son propre chef que l'Italie quitte la Société des Nations en décembre 1937. Rodolfo Graziani fait aussi massacrer les devins, les conteurs. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'exemple semblable chez d'autres colonisateurs, du moins dans la période qui s'ouvre avec le congrès de Berlin et le partage de l'Afrique à partir des années 1880. On peut y voir à raison une surenchère fasciste dans l'horreur coloniale. Mais il y a aussi que l'Italie, à la différence de la France par exemple, est un pays où la tradition orale est extrêmement vive. L'importance du récit oral comme arme de résistance aura sans doute été beaucoup plus évidente pour ce militaire italien que pour son alter ego français, qui s'inquiéterait bien davantage d'une trace écrite, quand bien même elle serait peu diffusée. Quoi qu'il en soit, à l'été 1937, la révolte se rallume un peu partout dans l'Empire. La répression est parvenue à dresser contre l'occupation italienne des secteurs de plus en plus larges de la population. Certaines régions ne seront jamais soumises jusqu'au départ des Italiens en 1941. On rappellera aussi que ni le roi et empereur d'Éthiopie, ni le Duce ne prendront le risque de s'aventurer dans la corne de l'Afrique durant ces 5 années de domination impériale. En novembre 1937, le duc d'Aoste est nommé vice-roi d'Éthiopie. Gratiani rentre en Italie en février 1938. En août 1938, nous l'avons vu, il est parmi les soutiens officiels du Manifeste de la race. L'année suivante, il devient chef d'état-major de l'armée. Son supérieur hiérarchique direct est Pietro Badoglio, chef d'état-major général. Devant la guerre, il manifeste d'abord de la prudence, conscient de l'impréparation de l'armée italienne, puis il se laisse emporter par l'enthousiasme avec d'autant plus de facilité que Badoglio continue à manifester son scepticisme. Ce dernier abandonne d'ailleurs toute activité politique fin 1940, ne revenant sur le devant de la scène qu'à la chute de Mussolini. Le gouverneur de la Libye, Italo Balbo, meurt durant l'été 1940. Rodolfo Graziani lui succède et mène une campagne contre les Britanniques en direction de l'Égypte. L'attaque est difficile car l'armée italienne est mal équipée et manque de moyens motorisés. Graziani fait progresser ses troupes inutilement jusqu'à Sidi El Barani, puis les immobilise pendant 4 mois. Incapable moralement de pousser l'offensive à son terme, il retrouve ses vieux réflexes de la Première Guerre mondiale, guerre de position et tranchée. Mais le désert ne se prête absolument pas à ce genre de combat et la contre-offensive britannique bouleverse totalement la donne, malgré la grande supériorité numérique des troupes italiennes. La défaite est totale. 130 000 Italiens capturés. Tout le matériel est perdu. À la suite d'un télégramme que lui envoie Graziani, Mussolini confesse à son gendre, le comte Ciano, « Voilà un autre homme avec lequel je ne peux pas me mettre en colère, parce que je le méprise. » Devant l'étendue du désastre, Graziani sollicite maintenant le soutien des forces mécanisées allemandes qu'il a jusque-là plusieurs fois refusées. Il est destitué par Mussolini en février 1941. Il quitte la Libye pour l'Italie. On nomme une commission d'enquête contre lui. Jusqu'en octobre 1943, Rodolfo Graziani est déchargé de toutes ses fonctions. À la chute de la République de Salo, Rodolfo Graziani se rend aux Alliés le 29 avril 1945, à Milan. Il est de retour dans une prison italienne à Procida en février 1946. Il est tenu à l'écart de la généreuse amnistie de juin 1946 organisée par Pamiro Togliatti, ministre de la Justice et secrétaire général du Parti communiste, ancien bras droit de Staline à Moscou. Rodolfo Graziani est jugé en 2 fois par la justice italienne, d'octobre 1948 à février 1949, puis de février à mai 1950. Il est finalement condamné à 19 années de prison pour le seul fait de collaboration avec l'ennemi. Remise de peine oblige, il est libéré en août. Les plaintes déposées par l'Éthiopie à son encontre, en 1948, auprès de l'ONU, ont été bloquées, tant par l'Italie que par la Grande-Bretagne. En 1953, Rodolfo Graziani devient le président d'honneur du MSI, le parti néofasciste, qui, ne pouvant légalement utiliser le nom de fascisme, s'est appelé Mouvement Social Italien. Cela sonne un peu comme République Sociale Italienne, et l'on dit entre gens informés que le vrai sens de ce sigle est Mussolini Sempre Immortale. Mussolini, toujours immortel. Il en démissionne en juillet 1954 pour ne pas avoir à se soumettre à la discipline de parti. Il soutient, entre autres choses, l'Alliance Atlantique. Rodolfo Graziani meurt en janvier 1954. Le premier à signer le registre est Junio Valerio Borghese, connu pour son action à la tête de la Decimamas, un commando d'élite nazi-fasciste dont les états de service n'ont rien à envier au pire de la SS allemande. Le même Borghese commettra d'ailleurs un coup d'État avorté en Italie en 1970. On trouve aussi parmi les signataires de nombreux dignitaires de Salo et même Guido Cortese, le grand organisateur des massacres d'Addis Abeba. Son corps repose au cimetière communal depuis sa mort en 1955. Le monument a coûté à la région du Latium la somme de 230 000 euros, selon les chiffres avancés par le maire, officiellement destiné à l'entretien du parc de Radimonte et à l'érection d'un monument aux soldats. Les réactions officielles en Italie ont été très tardives et plutôt faibles, alors même que des reportages et de longs articles avaient été publiés, par exemple, sur le New York Times ou El País. Le monument a été constamment décoré par des inscriptions et des installations en tout genre. Parmi les initiatives spontanées, la plus belle est sans doute celle qui a consisté à jumeler le monument d'affilée avec les 7 dernières Vespasiennes de Rome. Sur la Vespasienne de sang, comme l'appelle le collectif Wuming, les mots « patria et honor » et « patria et honneur » ont été changés en « patria et odore », »,« patrie et odore ». J'espère que cette odeur de mort, en venant jusqu'à vous, aura fait naître dans votre conscience l'envie de dénoncer ce qui restera dans l'histoire comme un sommet du révisionnisme italien. Notre émission touche à sa fin. Je voulais vraiment remercier Olivier du site www.dormirajamais.org pour cette belle émission. On avait encore beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter, mais vous allez trouver l'émission avec aussi d'autres extraits sur le site d'Envie d'Italie et aussi sur le site des Dormira Jamais. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Envie d'Italie. En français. Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement. D'ici. Per molto tempo fui ebanista. Operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista. In questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare. In via delle usciate tanto per fare, contenti di vederle cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via usciate, strozzati tutti quanti allo steccato. Menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venire.